de Silo Hind à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezhoneg. Henri, nouvelle émission de Hind à Brezhoneg. Kentel Pemkan 16 à Trégon. 16 à Trégon, 537. Et aujourd'hui, pour Guerriers hors vue, j'ai pensé parler d'un mot qu'on entend de plus en plus maintenant, qui était un peu un mot savant autrefois, qui est l'éveil. L'éveil, qui est qui est un mot qui signifie un revenu financier, un revenu sans une rente, quoi. Hein. Et donc, alors il y avait un mot de la langue parlée, il y a toujours d'ailleurs, certainement, connu par pas mal de gens, qui était le. L-E-U, quoi. Enfin, je pense que ça peut s'écrire L-E-U, puisque je ne l'ai jamais trouvé dans aucun dictionnaire. Et donc, qu'on emploie pour dire l'intérêt d'argent placé, par exemple. Hein. Le. Et donc, le mot levé, à mon avis, est apparenté à ce mot le. Donc, c'est un mot masculin qui a un pluriel régulier, levé ou. Et c'est un emprunt à l'ancien français levé qui désignait un impôt, un prélèvement. Alors la levée était un privilège hein, des notables, des nobles en fait, hein, des nobles et des gens du clergé. Donc il y avait des impôts très variés, la dîme, le champard, la gabelle. Hein, et certains avaient le droit de lever l'impôt. D'ailleurs le terme « lever l'impôt » est resté. Lever l'impôt, c'est un privilège aujourd'hui de l'État ou des collectivités publiques. Voilà. Alors, il y a des dérivés. L'éveillant. L'éveillant, c'est doté d'un revenu, procurer une rente. Alors, le participe passé, l'éveillède, hein, qui dispose d'une rente, un rentier. Dans les anciens documents, on trouve souvent des rentiers comme ça. C'est-à-dire des gens qui peuvent vivre des revenus de leur argent ou de leur terre, par exemple. Hein. Alors qu'autrefois, il n'y avait pas de retraite, hein, donc étaient rentiers quand même une petite partie, seulement de la population. Alors, l'éveilleur, c'est celui donc qui peut lever un impôt, comme ça. Hein. Et l'éveilleur, c'est le rentier. Hein. Voilà. Alors, le contraire, c'est d'illévé, celui qui n'a pas de revenus, hein, d'illévé. Alors, il y a des expressions comme l'évé magan, une pension alimentaire. D'accord. L'évé bévant, une rente viagère. Alors, l'évé illis, hein, une rente ecclésiastique. Hein. Paper l'évé, c'est un titre de rente. Une expression aussi d'enlever à lever capital et intérêt. D'accord. Pour le remboursement. Alors bien sûr, aujourd'hui, on dit beaucoup war il levé, hein, war me levé. Hein, c'est la retraite, quoi. On est à la retraite, ouais. C'est-à-dire on vide ses rentes. Hein. Plus besoin de travailler. Voilà. Pour plein d'argent. Plein peut-être pas. Enfin, voilà. Un mise au arme lève et des glaçons. Hein. Je suis en retraite depuis 10 ans. Guéret. Hein. Yeah. Alors, avec mon noir lève, hein, aller sur ses rentes, hein, donc aller partir en retraite. Aider voir il lève. Il est parti en retraite. Il se voit il lève, hein, il est donc en retraite. Alors, c'est une formule qu'on entend finalement depuis quelques années et qu'on entend de plus en plus souvent dans le braison de Gmond Lévé. Voilà. D'astum Lévé, amasser des rentes. Et pour terminer, un dicton, discadur eus der vugale, eus ogwellor et vid Lévé. Donner de l'instruction à ses enfants, c'est plus intéressant que de leur procurer une rente. C'est vrai. C'est une rente aussi, quoi. Bah oui. Voilà. Eh bien, sais-tu, salut tout d'un duzo au levé, à de René Coros. Bon, allez, on passe à la deuxième partie. Musique. On passe à Brézonnec temps matin, le petit dialogue. Henri, on va retrouver Job Nédélec, c'est ça? Oui, Job Nédélec, donc instituteur en retraite de Zantol, qui entraîne les gamins chaque année pour aller au camp d'Orbobl. Et là, l'autre jour, il y avait le camp d'Orbobl à Ploudérien. Et donc, il est allé avec une dizaine de gamins au camp d'Orbobl. Et Chanik est allé le voir, alors on va les écouter. Salut Job, madjou. Matré, Chanik, nahoui. Matrié. Mais l'aridinta, Job, clévet de meus, orbet, ne vaisseau, quand arbob, quand bugal, est-ce qu'on zon tolok? Ya, bédon men déel, ploudérien, évite quand arbob, ostrolat, quand dégbul, quand in, réussiem d'eau. A pesseur, quand awen, on peut se quand être. Blanme, vugal, et ne dis bob, quand y'en est que ville vichère, mais quand comme jouel. Comme jouel. Ya, vugal et nos hygiènes d'Orient et ville vichère, vraiment, au labour à de nos start-up, ag hunter burnout, da square organo en oa, mi e yannig ville vichère, pardon de war un urziateur, au labour à de internet, hop, hey, tra la la la, la la la la la la la la la la la la la la. Fin tu savoir. Ya, un dut voir ze bazar, milardar. Agar prise plus bête. Neil brise même bête pièce des cafales. Mais on va reprendre. Voilà. Ce dialogue, Henri, avec Job Nédélec et les enfants qui vont au Conarbob. Phrase à phrase, donc la traduction en français. Salut Job, madjou. Oui, ça va. Comment ça va? Matré, Chanik, Naroui. Très bien. Et vous? Matré, mais la redinta, Job. Clévet me sur bête nevesso. Bah, Conarbob, Gand Bugaleskol, Zantolok. Oui, voilà, j'ai entendu que vous étiez allé récemment au Conarbob avec les enfants de Zantolok. Ya, Bédomb, un déal, bah, Ploudérien, et vite Conarbob. Oui, nous sommes allés l'autre jour à Ploudérien pour le Conarbob. Astrolat, Gand Dek Bugel, Woganin, Réar, CMDAO. Voilà, il y avait un groupe de 10 enfants avec moi, 10 élèves, quoi, ceux du CM2. À Pesser Kanawen, au Puskanet. Et quelle chanson avez-vous chanté? Blamant, Orvugale, au Puskanet, Yannick à Villevichère. Mais Gand Komzou, Gret Ganté. Voilà. Cette année, les enfants ont chanté Yannick à Villevichère. Hein, c'est une chanson de Philomena Cadoré, bien connue. Hein. Mais avec des paroles qu'ils ont faites eux-mêmes. Hein. Komzouel? D'autres paroles? Ah, ya. Orvugale, au Deuxi Ginette, Yannick à Villevichère, vraiment. Oui, les enfants, imaginez un Yannick Villevichère d'aujourd'hui. Au laboratoire d'une start-up, à Hunter Burnout. Voilà, qui travaille dans une start-up, et en français dans le texte, hein, et qui est à moitié burn-out, en français moderne dans le texte aussi. N'espère. Alors, quand on a un grand grand. Alors, par exemple, dans cette chanson, on trouve. Mais Yannick à Villevichère. Oui, je suis Yannick aux mille métiers. Pas dans des war en usiataire. Toute la journée sur un ordinateur. Au laboratoire internet. En travaillant sur internet. Voilà. Fin tu savoir. Oui, c'est rigolo, oui. Il y a Chanik, un dut basal à Roarzé. Oui, Chanik, les gens dans la salle riaient. Agar prise, peus bête. Et vous avez eu un prix? Ah, ya, un nez prise. Oui, le deuxième prix. Pes ne kefal. Ce qui n'est pas mal. Et c'est terminé. Voilà. Bon, eh ben on va les laisser avec Lorianny Carville-Vichère et on va retrouver dans un tout petit instant Petra Zonevervro, c'est la Gazette du Pays. Thank you. Petra zo neve ar vro eri. Ben, kal se trao zo neve ba vro, boe ar vej diouz. Hein. Krogom de diantan, vel kiz a custum, gant la bourdouar hag ar vue war ar mez. E ben, eru e neve amzor. Ya. Pe dur hudu, om en Roland hag eru e neve amzor. Ne ke gwal dom da feze. Hein. Ah non. Na vel zo yin roaz. Met eidom ba neve amzor. Hag bon, tram de diel, non, gwan. Pilar in mode, n'est que bire ruste, ne ce que bébé de tolave zeus, zo bédo gual tolave, hein, grèce tout, emmené que tramenette, mais ne beoir, mais de blasso vel bâtir grise, ta pelle ordune, ma gronve, il y a, Paul, il y a, il y a, et zo bédo calce trop distruge, hein. Bon, c'est, tu as zo bédo ne badé au clouar, gual vigé, balafé nous mêle à nos haloupes, là, résveré, gual de diantan, résveré à citra et galac, mais la revêle en ignette gueuse. Bon, clé de neun de cannes, après, si tu veux une gual de classe, un temps l'air de d'oronnés, à que la bourrade rendue de ma parquet, vie de. Aux en un douar, vidor un tré, lacad un trévadou, vel leur maïs, pe, leur betrave, pe yord, ouais. A pi on comes deux, labour douar, bon cudé nous au grand lèse, un goût de rhum, hein, grande prise lèse, hag, on ne va de labourer un douar, ne scrou de, en usine évée, un star labour névée, batré morel. Dreyer Sika, un peu le pesé, le clève me s'en a. Orbit Feldau de Sé. Un guéris de Sgred, or Sika, vit de l'aise, l'éthique. Puis là, puis sa mauvais art, l'éthique. L'éthique. L'éthique, ya. Fait le Lévi Yangou. Ya, ya. Ya, ya. Rien de ce crew d'Orsican, ma spirit opérative, j'ai qu'être ma plavésio en Turcan, ou à bizarre votre coopérative au 10, le trieux, la pellemoise, ma spirit, or oui, j'y pip d'in, mais de opérative, ou de cresque d'auberne, avec spirit, zobicole d'un tom, vraiment, zoré, rat crouille, leur spirit, ben, pimeuse, t'es mort au jeu quand t'es qu'un sacré l'arbre, et même sera crouidis au stal l'arbre. Puis on compte des stal l'arbre, hopper, ne se grède au même glaive, quand or strolade, zo rang de New Hope, l'huile, à zo de ce brochina. Vide or une usine, vide or wardro qui est mort. Plus dur, bah, chine, vedeb, calze, vore, hein. Nanteur de ce. Nanteur de ce mort, zo war ar bed, hein. Zo produit de bas brochine. Nanteur de ce mort à Hamez, de ce repas à de brochine, y veille. C'est une pérègue, bon, zo goule noir à mort, marat de mort, zo tombe gouel or vraiment, très grand jugement de tude brochine. Mais ma treize ne bardo que zé n'est que zur, bardo m'avait grès mieux en mort ma brochina. Bon, me mestra, bon, cudé nous au balard bourdoir, mais me mestra, zo calze dute, calze rayon et non stallion, voir faire mieux en vrou. Puis du reblanc, mais au bé de Canatré Gondin, Yowong, à nous non stallier, de voir département de Nodo Narvo, Spendida, Warland et Wabi Wardro Kan. À Bopes au Calze Vugal et Bascoliola au Bourdouar, hein, Velba Kernilien, puis bah Pomrit, hein, à une speed non installée, Calzne, une speed non installant, voir faire mieux. Bon, dans mon temps, moi, Dash et Nendro, Hunter comme l'asso, ou à être devant un douar, devant un dour, devant un mour, puis la rimade, ou à être un torré canyon, à vie dans les chiens, tant ou à biscuit, de calziulmen, ou à nodo, j'onge meuse de sim, ou à montargi, de houl, ce bano. Rome stud, ivano scola, bourdoua, ag, moi, me clé, veut dire, ou à repose bien. Ou avait de strac de torre canyon à Roisse, de un de odiant en vigilar vigil que deux de Newman beta braisom puis yo il va bâtir un éveur mais de au mise ou à l'air ouais Newman ou Arnaud ou braisom que ouais bit cal strafu grandi vu genre puis yo arrivé j'entends ouais lève du velvelard ou à l'air soupir réel mais de hulse ou à quatre bon. Ben, mis du de Villepem, ce qui devra ton toaster de zambre, vraiment, de ce nom, j'aurais vraiment. Ouabé de Hop, au nom noir nugen, bah, Paris, ouar, ouabé de Nemglev, ouar, ce que l'homme sort. Voir, quand il y a eu d'air, un bel Nemglev, ce, puis, un américain, les occasions dans le mess. Hop, au nom noir nugen, il y a Waller, vous voyez, Donnel, bah, Marrakech, a gagné vaisseau, au Bécred, au Nantes, bah, au Nantes bien, alors, mon temps, me sera, bah, sans mal, ou me sera, ou à seize cannes d'une. Guiré, Braise, au Calz, d'une, au Clasque, voir une énergie, d'ascouir, Ners et Novel, Ners et Niol, Ners et Mour, un Aes et Métane, bon, Calz et Drove, et de Braise, voir un Dachens. Puis on a compte de son énergie, soit l'assaut ou à Bedstrak de Fukushima, un des grèves nucléaires, avec bon drogue ou à Bed Tchernobyl déjà. C'est une bonne, vraiment ma treize, ma province, vos 10 ans de crise en Fessenheim, mais bon, n'a que quoi le vounis en trop. Vite désirent le Fessenheim, vous très grand de la lobe pour Vélard, très grand de la lobe pour mes pelles mûres, j'y aura. Puis on peut vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous Fessenheim. Bon. Vite dans un temps, vous avez dit que vous avez dit vite dans un grand arbre, vraiment, vous avez dit que au Niger, c'est une indication géographique. Granit de Bretagne. Donc, casé, zo, bouez, vu de économie, esbrace, puis du réseau. Quand un breguer, zo, labour, avoir, main grain, azira, eis, candin, au labour, avoir, zé, quoi. Donc, bon, ma treize, vos moyennes de labour, à New York, quand main grain, brace, à passe de rendigas, main grain, de Chine, de Zlerel. Me sera, me fait bémade, dit voilà de par où je trouve un drôme la bourrade grand mengrun de zevrou bon comme on en temps de zeur politique reste vraiment plus dur on comme de se déablai trug un lasso ou abézine de emglev rom zé oua de ben moir nugen or mis meurs ag doit bézine de emglev grom grand rouerbro bro Allemagne, bro Italie, bro France, avec un tribro, un tervro, puis la rinmat, deux heures Benelux, ouais, Belgia, Broyoise, la Luxembourg. A Rog, ou à Begred, on aime Glaive, hein, bah, là, on en a Hunter Khan, ou à Begred, on aime Glaive, puis de, un dir, à Glow, voilà, c'est quoi, quoi. Ag bon zizobedo a vraiment gola rom trugen la waler pe sa mon mon compte case d'une zo case dans mes de ce beau Europa déjà et brosos au ton de on rond de zone mes vi warda chener politiquer soit Christian Troidec ne ce que gal cave ou de isinaturio a cette une de mes nalo que mon noir arinque vide bout de président de la République. C'est une autre cas, je dis, de Tiven Benefine, Menos, Yorandro, Masson, Nocorimbe, Jacobine, tout le monde. Dissement revue. Dans mon temps, moi, Dash, Zévenadur, Miss Meurs, Zo, quasi trémé, vraiment, Zo, Mémiseurier, Zo, Ebreis, Zo, Begret, Kals, Dra, Ebreisonok, Ag Gallo, Gon, Tom, Bebler. Quand on a Bob Zobid, bah Melcarez à Bacavan, à Bamisébel, vous, Vidorvej Diouzan, bah Pondi, qu'ils accustiment. Vichonmoir d'Achen Zévenadur, heure plat, Zorochon me braise, mais Wabigan, bah, Enes en la Réunion, Colline, Waro, un des grade au lever à non dramnan ba un lever ze contre de ze barou entrée fine ma sainte peut me coller non so plat à ce grand le bar réunion ba ils en la réunion à de ce disque présent le à ce chambre vraiment ba ba bavro hein ag videchu Michel Simon zo han laven mad hein wa mescol ba rostren de scrive dans lever ne vaisseau war Philomena cadore Philomé il y a gradé lever ya il y a une bande des grandes cahiers or poer war Philomena cadore une voix oubliée quoi Michel Simon zo la bourra donne ba blaye zo war Philomena cadore an scarvet calze dro di warze bon c'est un temps peut-être peut sonner bavro avec ben avec gel vos contoras qu'est-ce que nous